je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? Laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer? Ah, tout de même. Et au diable, s'il vous plaît? Oui, oui. Aussi peu. Ne croyez-vous point l'autre vie? Voilà un homme que j'irai bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu. Encore faut-il croire quelque chose. Qu'est-ce que vous croyez? Ce que je crois? Oui. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8. La belle croyance que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Il faut avouer qu'il se met l'étrange folie dans la tête des hommes, et que pour avoir bien étudié, on en est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci, et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais, avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tout le livre, et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander, qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre et ce ciel que vous voyez là-haut? Et si tout cela s'est bâti de lui-même? Vous voilà, vous, par exemple, vous êtes là. Est-ce que vous êtes fait tout seul? Et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Pouvez-vous voir toutes les inventions de la machine de l'homme est composée, sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre? Ses nerfs, ses os, ses veines, ses artères, ce poumon, ce cœur, ce foie, et tous ces autres ingrédients qui sont là et que... Oh, dame, interrompez-moi donc, si vous voulez. Je ne saurais disputer. Si l'on ne m'interrompt, et vous vous taisiez exprès, et ne me laissez pas parler par belle malice. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, que tous les savants ne sauraient expliquer. Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici, et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses différentes en un moment, et fait de mon corps tout ce qu'elle veut? Je veux frapper les mains, hausser le bras, lever les yeux au ciel, baisser la tête, remuer les pieds, aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, tourner. Il se laisse tomber en tournant. Bon, voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Morbleu, je suis bien sûr de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez. Il m'importe bien que vous soyez damné.